Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, on continue dans notre deuxième étude sur Jacques. Et on a vu hier que Jacques était probablement Jacques, le frère de Jésus. On a vu ensemble qu'il s'adressait, je crois, surtout à des Juifs chrétiens, malgré que les principes qu'on va voir ensemble vont s'adresser à tous les chrétiens, mais pour bien comprendre comment l'appliquer à nous, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour eux qui le recevaient, qui étaient peut-être plus des Juifs que des non-Juifs. Parce qu'on est au début de l'Église, et l'Église au début, plus on va en arrière vers le début de l'Église, plus l'Église était essentiellement juive. Dans les premiers, peut-être 10 ans de l'Église, on est 10, 12, 15 ans de l'Église, on est plus juif que grec. Nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous allons regarder un sujet très important ce matin, encore une fois, un sujet qui concerne ton plan pour tes enfants. Et nous devons bien comprendre ce que tu veux pour nous, parce qu'il y a tellement des fois qu'on peut être déçu de la vie chrétienne, ou déçu parce qu'on comprenait pas bien ce qui devait arriver dans notre vie. Où on pensait que des choses devaient arriver, puis ils n'arrivent pas. Et des fois, on se culpabilise, des fois, on se fait culpabiliser, quand c'est tout simplement pas ça que tu avais en vue pour nous. Donc, regardons ensemble, Seigneur, par ton Esprit Saint, montre-nous, encore une fois, ce que tu veux nous dire à nous, tes enfants bien-aimés. Amen. Donc, nous arrivons à un texte qui est bien, bien, bien connu. Et nous allons le lire, si vous voulez bien, ensemble. Donc, nous allons lire ensemble le texte, si vous voulez bien, dans chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, Jacques s'adresse à ses frères dans la foi. Je pense que pour lui, c'était des frères aussi de race juive, mais au moins des races de foi, ça reste à eux, parce que le mot « frère » dans l'ensemble de l'épître de Jacques, selon moi, parle de chrétiens. Et il va leur parler, mais on doit se souvenir qu'il s'adresse à des gens qui ont été dispersés, persécutés, qui ont été chassés de leur maison, chassés de leur milieu social, familial. Comment est-ce que vous vous trouveriez, vous, là-dedans? Comment vous vous seriez retrouvé si vous étiez des chrétiens le lendemain de Katrina qui a passé cet ouragan qui aurait ravagé votre maison, détruit tout ce que vous possédez, vous vous retrouvez sans travail. Vous êtes obligé de faire la queue et de mendier votre eau, mendier votre nourriture avant que toutes les assurances et tout soit démêlé. Qu'est-ce que vous allez penser? Qu'est-ce que vous pensez quand ces Juifs-là qui avaient vécu ça à cause du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous bien ici, là. Les épreuves dont on parle ici, ça ne sera pas des jugements, entre guillemets. Des fois, je parlais avec un frère dernièrement, puis qu'il a été diagnostiqué avec une maladie. Et il a dit, bien franchement, bien honnêtement, c'est les conséquences de mes 50 ans de ce que j'ai fait qui m'ont entraîné cette maladie-là. Je l'accepte. C'est moi qui est responsable. Si je mange trop de pizza et que j'ai mal au ventre, on n'appelle pas ça une épreuve, on appelle ça un jugement. Si je conduis les deux yeux fermés et que je me casse la gueule, mais c'est ma faute, c'est pas la faute des voisins. Si je m'en vais voir le voisin puis que je l'engueule puis je fais des menaces puis il me sacre un bon coup de poing sur la gueule puis je tombe puis je me casse un bras, c'est pas une épreuve, c'est une conséquence naturelle que Dieu a mis. Comme si il passe une maladie, je l'attrape, je tombe malade. Et ça, c'est une autre chose. Mais là, on parle ici, dans notre contexte, de gens qui sont persécutés, qui sont rejetés à cause de la foi en Jésus-Christ. À cause qu'ils sont chrétiens. On ne parle pas de n'importe quoi ici. Il faut bien comprendre ça. Il dit, quand vous êtes persécutés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jacques dit la même chose que son frère disait. Lorsqu'on vous persécutera à cause de moi, réjouissez-vous. Il dit ici, quand vous êtes éprouvés à cause de votre foi, à cause que vous êtes rejetés au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui vous arrive, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de l'Évangile. C'est à cause que vous êtes convertis. Si vous ne serez pas convertis, si vous seriez encore des Juifs qui vont à la synagogue et qui vont encore au temple, vous ne seriez pas dans la situation que vous êtes là. Mais vous êtes dans une situation à cause du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, regardez ces moments-là de votre vie comme un sujet de joie complète. Frères et sœurs, ici, il ne faut pas penser que c'est légal un sourire fendu jusqu'aux oreilles, comme on dit en québécois. Il ne faut pas penser ça. Jean qui n'est pas en train de dire, quand vous êtes éprouvés, que vous avez tout perdu, commencez à rire comme des fous. Jetez-vous à terre, puis riez dans l'esprit. Ben non. Mais c'est une joie interne, une joie spirituelle. Une joie intérieure qui vient de l'esprit. Un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Et cette joie vient du fait qu'on sait que c'est à cause qu'on est dans la vérité. C'est à cause qu'on est des enfants de Dieu. C'est à cause qu'on est aimé de Dieu. C'est à cause qu'on est né de nouveau. C'est à cause qu'on a un grand destin devant nous. C'est à cause qu'on est des serviteurs de Dieu. S'ils m'ont maltraité, ils vont aussi vous maltraiter. S'ils m'ont rejeté, ils vont aussi vous rejeter. Donc, c'est à cause de cela. Il dit, regardez ces épreuves-là comme un sujet de joie, parce qu'elles vont produire en vous la patience ou la persévérance. Ça pourrait être traduit persévérance. Il ne faut pas mélanger le mot patience ici avec patience dans le trafic. Patience avec des enfants malades. Patience avec un conjoint qui fait le contraire de ce que vous aimeriez qu'il fasse. On parle de persévérance. Il dit, ces épreuves-là vont vous aider à être persévérant. Ça va vous rendre capable de persévérer jusqu'à la fin. Et on va voir ensemble dans Jacques 5, qui va dire, « Frères, soyez patients ou persévérants jusqu'au retour du Seigneur. » Mais pour qu'on soit patient jusqu'au retour du Seigneur, les épreuves qui viennent au nom du Seigneur Jésus-Christ vont nous rendre capables d'être persévérants. Parce que c'est Dieu qui va nous rendre persévérants. Si par la foi, on se voit des serviteurs de Dieu et qu'on accepte ce que Dieu amène dans notre vie et qu'on accepte d'être persécuté ou d'être maltraité à cause de son nom. Lui, il l'a été pour nous. C'est normal qu'on l'accepte pour lui. Il dit, je vais te rendre plus fort ou je vais te donner la capacité. C'est pas moi qui me rends plus fort. C'est d'accepter par la foi ce que Dieu amène dans ma vie. À cause de Jésus-Christ. Et que je l'accepte par la foi, ça va me rendre persévérant. lui va me donner la capacité de persévérer. Et cette patience-là, à travers tous ces moments-là de la vie, qui va m'emmener au terme de ma vie spirituelle, elle va faire de moi quelqu'un qui va être parfait et accompli, et je vais faillir en rien. C'est-à-dire que je vais garder la foi. Ça va m'emmener à pouvoir dire à la fin de ma vie, comme l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. La couronne de vie m'est réservée. Parce que j'ai gardé la foi dans l'épreuve. J'ai accepté d'être persécuté au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai accepté d'être rejeté pour la foi. C'est pas notre œuvre, ce frère et ça. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas ici un degré de spiritualité. Parce que plus je suis un bon chrétien, plus j'ai de la foi, là, plus je suis capable, là, je vais persévérer, là, puis ça va. Non. C'est qu'il dit, accepte ce que je vais emmener dans ta vie, à cause de mon nom. Frère, il ne faut pas vous comparer avec les uns les autres. Une fois, j'avais déjà prêché, Dieu aime un petit plus les chrétiens québécois que les chrétiens russes, parce qu'il me semble qu'ils ont bien plus de misère à cause du nom de Jésus, que moi je peux avoir de la misère à cause du nom de Jésus. Dans certains pays, on meurt par milliers présentement à cause de la foi, à cause qu'ils sont chrétiens. Nous, ça ne nous arrive pas au Québec comme ça aujourd'hui encore. Est-ce qu'ils nous aiment plus? Est-ce qu'on est plus spirituel à cause de ça? Sont-ils plus spirituels les autres? Ben non! Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Il choisit comme il veut, quand il veut. Il va choisir le degré de persécution. Il va choisir la longueur. Il va choisir le temps. Il va tout choisir. C'est lui qui décide. J'emmène l'épreuve dans ta vie. C'est moi qui le décide. Parce que t'es mon enfant. Il y a des choses qui vont arriver. Par la foi, crois que je t'aime. Crois que je t'aime quand même. Ici, c'est à cause de l'épreuve qu'il subissait. Mais je crois qu'on peut l'appliquer à plus large que ça. Dans des moments difficiles de la vie, dans d'autres circonstances de la vie, la perte d'un être cher, une maladie grave, l'annonce de la mort, la perte d'un emploi, un conjoint qui nous rejette, qui nous divorce parce qu'on est chrétien. Toutes ces choses-là qui nous arrivent, souverainement envoyées par Dieu, ou que c'est des jugements, des conséquences naturelles à notre folie, à nos péchés. Acceptons les conséquences que Dieu va nous donner. Acceptons-les. Nous sommes des serviteurs. On accepte. Et c'est là qu'il amène le sujet de la sagesse. Ici, il ne parle pas de la sagesse. Si tu manques de sagesse quand tu veux t'acheter un char, prie un petit peu. Tu vas savoir quelle sorte de char acheter. Frères et sœurs, moi, là, je suis un zéro en mécanique. Et quand j'ai quelque chose en mécanique qui ne marche pas, je vais voir mon chum Gaëtan ou son frère Serge. Quand j'étais un jeune chrétien, je connaissais rien en mécanique. Quand je partais pour aller m'acheter un char, j'avais amené mon frère Claude Taillé avec moi. Il y en a qui le connaissent, Claude Taillé. Je l'ai emmené avec moi voir les chars, puis je connais rien. Claude, toi, es-tu bonne l'auto pour toi? Je priais pas sur le bord de mon lit le matin, puis conduis-moi, Seigneur, là, savoir laquelle auto acheter. Non, j'ai agi avec une intelligence, avec un homme sensé. J'ai pris quelqu'un qui connaissait ça, et que j'avais une confiance, puis je l'ai emmené avec moi. Ce qui parle ici, c'est la sagesse spirituelle. Comment comprendre le plan de Dieu dans ce moment de difficulté? Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir de moi à ce moment-ci? Est-ce que je comprends bien la vie chrétienne? Est-ce que Dieu m'avait promis un jardin de roses et un jardin sans maladie, une vie chrétienne sans maladie, une vie chrétienne sans épreuve, une vie chrétienne sans persécution? Est-ce que c'est ça qu'il m'avait promis? Non! Aide-moi à comprendre ce que tu voulais de moi. Aide-moi à comprendre c'est quoi tu me présentes comme vie chrétienne. Aide-moi à comprendre comment ça fonctionne la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu as comme plan pour moi dans ma vie? Aide-moi à saisir ça. Aide-moi à comprendre comment je dois te servir dans ce moment-là. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il parle pas de sagesse à savoir quelle sorte de linge que je dois acheter. Quelle sorte de maison je dois acheter. Où que je dois rester. Il parle pas de ça. Donne-moi de la sagesse, Seigneur. Pour comprendre. Mais il dit, fais attention aussi, tu doutes. Là, il ne parle pas de ma capacité de croire ici. Il est en train de dire, si tu doutes de Dieu, si tu doutes de Dieu, demande pas de la sagesse, ça ne change rien. Si tu ne doutes pas de Dieu, et que tu te sais, Dieu c'est mon maître, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, c'est mon Messie, c'est mon Sauveur, je ne doute pas de lui, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. J'ai de la misère à comprendre. Seigneur, aide-moi à comprendre. Il dit, il va te le montrer. Il va te le montrer. Mais si tu doutes de lui, si tu doutes qu'il t'aime, si tu doutes qu'il est souverain, si tu doutes que c'est lui qui contrôle ta vie, mais mon frère, mon ami, tu n'auras rien de lui. Tu n'auras rien de lui. Et quand je dis rien, là, c'est rien avec trois lettres, quatre lettres capitales. Ça va loin, ce qu'il dit ici, je crois. Un homme qui doute de Dieu, il dit, tu n'auras rien de lui. Je ne crois pas qu'il parle ici, si tu doutes qu'il va donner de la sagesse ou pas. Non, non, non. Tu doutes de la personne de Dieu. Que c'est lui qui est au contrôle de tout ça. Que c'est lui qui a le droit de vouloir ça dans ta vie, ces moments difficiles-là. Qui a le droit de les envoyer dans ta vie, de les provoquer, de les vouloir. Qui a le droit de te rappeler à lui par la maladie, ou par l'accident, ou par la persécution. Il a le droit de t'enlever tes meubles ou ta maison à cause que tu crois en lui. Il a le droit de faire ça. Il a le droit de laisser les gens le faire. Il a le droit aussi de te donner une maison plus grosse ou une meilleure job. Il a le droit de contrôler ta vie. Je ne doute pas de cela. Laissez-moi vous donner un exemple personnel, si vous voulez bien. Il y a plusieurs années, vous savez, plusieurs d'entre vous savez que j'ai vécu un moment de dépression qui a duré presque une année, du début à la fin, presque une année. Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis ça dans ma vie. Je ne comprenais pas. Il me semblait que je ne méritais pas ça. Il me semblait que Dieu aurait dû me protéger de ça. Il me semblait que je servais Dieu dans le ministère. Je me disais, mais Sam, pourquoi Dieu tu permets ça? Pourquoi tu n'as pas empêché ça? Et je me suis mis à douter de Dieu, et je me suis mis à avoir de la colère contre Dieu. Et je me souviens, un jour, je marchais dans le petit village où je restais. Et dans le petit village où je restais, il y avait une grosse croix. Il dit, François, si tu doutes que je t'aime, je regardais la croix, si la croix ne te prouve pas que je t'aime, même si je te donnais le monde entier, tu ne croiras pas plus. La preuve que je t'aime, je te l'ai montré à la croix. Tu ne devrais jamais douter, même si je te clouerais dans un lit pour le restant de ta vie, tu ne devrais jamais douter de mon amour pour toi. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Je sais que tu m'aimes. Aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que tu veux là-dedans? Comment est-ce que je peux te servir dans ces moments humains de faiblesse, dans le sens que j'ai tout perdu, je suis malade, là j'ai quitté mon pays, je suis loin de ma famille, j'ai tout perdu, Seigneur, je suis dans la dispersion à cause de l'Évangile. Comment est-ce que je peux te servir? Je l'accepte. Tout concourt à mon bien, Seigneur. Je veux ça. Je veux ça parce que tu le veux pour moi. Montre-moi comment je peux te servir dans ce moment-là. Et je vous garantis, il va vous montrer. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu es souverain. Merci que tu nous fais partager, comme Paul dit ailleurs, tes souffrances. Quand nous souffrons pour ton nom, nous devons nous réjouir. Quand nous souffrons parce que tu as décidé ici pour d'autres raisons, nous nous soumettons, nous l'acceptons. Parce que nous savons que tu veux nous amener à persévérer jusqu'à la fin et qu'on devienne parfait à l'image de Jésus-Christ. C'est dans les moments de difficulté dans nos vies, quand nous ne comprenons pas qu'est-ce que tu es en train de faire et pourquoi tu le fais, de nous arrêter et de demander de la sagesse. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.